Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les cahiers de doléances de la Révolution française. Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présente. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Extrait du film « La Révolution française » réalisé en 1989 par Robert Enrico et Richard T. Efron, 5 millions de Français vont participer finalement à la rédaction des cahiers de doléances de 1789. 5 millions de Français sur une population totale d'un peu plus de 25 millions à l'époque, et parmi eux, des femmes. Des femmes aussi, ces femmes qui étaient pourtant officiellement exclues du processus, mais qu'on va accepter tout de même d'entendre, tout comme d'autres citoyens que les règles du temps excluaient d'office de ce genre de consultation. En fait, bon nombre de non-inscrits vont participer à la rédaction des cahiers de doléances, et parmi les inscrits en bonne et due forme, le taux de participation va atteindre 80 %. Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! À nouveau, un extrait du film « La Révolution française ». Pour nous parler de l'importance qu'auront les cahiers de doléances dans l'histoire de la Révolution française, je reçois l'historien Pierre Cernat, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Pierre Cernat, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. Merci d'être là. Vous venez de publier, Pierre Cernat, tout récemment encore, le livre « Que demande le peuple? Le cahier de doléances des Français en 1789 ». Pourquoi? Pourquoi avoir décidé de revenir à ces cahiers de doléances? Qu'est-ce que ça permet, cet exercice-là, la relecture des cahiers de doléances? Au moins deux raisons. D'abord, je vous rappelle que le président Macron, lors de la célébration des vœux qu'il adresse à la nation le 31 décembre 2018, a souhaité un débat national. Oui. Et en souhaitant ce débat national, il a appelé tous les Français à s'exprimer sur ce qui n'allait pas. Et donc, en tant qu'historien, j'ai été de suite interpellé en me disant, mais se rend-il bien compte, et il devait le savoir, c'est un homme de culture, que nous rentrons dans l'année 2019. Et vous le savez, nous sommes un pays qui aime commémorer. Et 2019, eh bien, c'était tout simplement le 230e anniversaire du début de la Révolution. Donc, cette conjonction, en fait, de deux faits m'a poussé à revenir à ces cahiers de doléances pour savoir quels pouvaient être, non pas dans l'anachronisme, mais dans la comparaison, les demandes et les attentes des Français de 1789 oui. avec celles de 2019. Oui, comment elles se comparaient avec cette invitation du président français qui s'inscrivait dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui eux aussi ont réclamé, se sont réclamés de l'esprit de 1789. Alors, effectivement, la France est un pays, comme l'a dit le grand historien Jean-Nicolas, intranquille, inventant un néologisme. Donc, le président Macron a bien compris que les Français sont un pays contestataire, lui-même l'a dit. En revanche, je crois que pour bien commencer l'émission, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Je suis historien, donc je suis rigoureux avec les dates. Je crois que les Gilets jaunes sont un mouvement de révolte oui. ou de colère. Là, nous avons affaire avec les cahiers de doléances à une lame de fond qui est plus profonde, j'allais dire, non pas qu'elle est plus ou moins de valeur, mais elle est plus profonde dans la mesure où elle est la somme de 50 années de lutte, oui, et de 50 années de prise de conscience, en fait, d'inégalité, d'injustice que les Français veulent corriger. Et puis, tout le monde a le mot révolution à la bouche depuis 1787 et l'échec du contrôleur général des finances, l'équivalent du Premier ministre, à faire payer dans l'Assemblée des notables le clergé et les nobles comme ils devraient payer les impôts comme tous les Français. Oui, et ça ce sera, puis on y revient dans un instant, mais et ça, là il y a vraiment un parallèle avec l'époque actuelle, mais cette récrimination populaire par rapport à la manière dont l'État impose le contribuable, c'est au cœur des cahiers de doléances. Un petit mot sur Jean Jaurès. Parce que vous dites, Pierre Cernat, que c'est lui, au fond, qui est l'inventeur des cahiers de doléances. Puis, au fond, votre travail, c'est un petit peu... Il y a une filiation, certainement, entre ce que vous faites dans ce livre et ce qu'avait fait Jaurès à l'époque. Mais pourquoi, donc, le nommez-vous inventeur des cahiers de doléances, Jean Jaurès? Le parti conservateur, voire anti-révolutionnaire, par exemple Taine, Hippolyte Taine, à la fin du 19e siècle, a utilisé... la publication des archives parlementaires, les 8 premiers volumes des archives parlementaires, les 8000 premières pages, sont consacrés en fait à la publication des 400 bailliages dans lesquels ont été synthétisés les plus de 60 000 cahiers qui ont été rédigés à la base de tout le territoire français. Ouais. Et Hippolyte Taine a utilisé ces cahiers en disant, vous voyez, c'est une pure supercherie intellectuelle, ces cahiers de doléances. Le peuple n'a pas pu écrire des cahiers aussi savants, la langue est très bien maîtrisée. Donc c'est en fait une sorte de imposture bourgeoise qui a voulu faire sa révolution en manipulant un peuple d'ignares. Oui. Et Jaurès n'a pas accepté cette vision des faits et il a au contraire, lors de son écriture socialiste de l'histoire de la Révolution française, donc en 1900, retrouvé et fait le travail d'historien, retrouvé ses cahiers les plus modestes dans les plus petits villages de Normandie, des Pyrénées, du Massif central, de telle sorte que lorsqu'il revient à la Chambre des députés en novembre 1903, il demande qu'une commission de publication des cahiers soit réalisée et à cette époque-là, les députés vont voter à l'unanimité et c'est là que va commencer la grande aventure de l'édition des cahiers de doléances que l'on retrouve dans toutes les bonnes bibliothèques désormais en France. Et probablement de réhabilitation aussi de ces cahiers dans l'importance qu'ils ont eue dans la Révolution française. Revenons aux sources. Pourquoi en arrive-t-on en 1789 à cet exercice qui sera quand même complexe d'organiser ces consultations partout en France pour en arriver à la publication de ces 60 000 cahiers de doléances? Pourquoi Louis XVI annonce d'abord, parce que c'est ça le point de départ, la tenue d'États généraux qui seront précédés de ces consultations. Nous sommes aux archives nationales. Parmi ces kilomètres de rayonnage, quelques mètres seulement abritent des boîtes marquées BA1 à BA86. Elles contiennent tous les documents relatifs aux États généraux et aux cahiers de doléances. Ici, une lettre du roi. De par le roi, votre ami Éphéal, nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toute la difficulté où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances. Ces motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces, tant pour nous conseiller que pour nous faire connaître les souhaits et doléances de nos peuples. Cette lettre est signée Louis XVI. Elle est datée du 24 janvier 1789. C'est donc décidé. À cette date, le roi convoque les États généraux, c'est-à-dire des représentants des Français, pour remédier à l'état des finances, tout simplement pour consentir de nouveaux impôts, mais également pour connaître les doléances des Français. Extrait d'une vidéo disponible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Pourquoi donc, Pierre Cernat, on en a un petit indice en écoutant ce qu'on vient d'entendre, mais pourquoi Louis XVI décide-t-il de convoquer, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait eu en France, des États généraux? Oui, depuis 1614, donc, et la grande crise qui suit l'assassinat d'Henri IV, aucun, les États généraux n'ont pas été convoqués. Les États généraux, lorsqu'ils sont convoqués, mettent en faiblesse forcément le roi, puisqu'il fait appel, en fait, à ses sujets pour qu'ils expriment leurs plaintes et donc redistribuent les cartes des pouvoirs, puisqu'il a besoin de leurs impôts. Alors, on pourrait dire de façon classique, et tel n'a pas été mon point de vue, que le roi est en position de faiblesse en 1789, lorsqu'il convoque les États généraux. J'ai une autre hypothèse à vous proposer. Je crois que Louis XVI n'est pas simplement ce gros roi benêt qu'on présente quelquefois. Il joue un coup politique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tout le monde est persuadé que les privilégiés doivent payer, à commencer par le roi lui-même. Il ne comprend pas pourquoi le clergé ne paie pas, il ne comprend pas pourquoi la noblesse, qui est l'ordre le plus riche du royaume, ne paie pas. Donc le roi est tout à fait conscient du prestige, des privilèges symboliques de la noblesse, mais voudrait que, comme son ennemi, car tout ça ne se comprend que par rapport à la rivalité avec l'Angleterre, où tous les lords paient leur impôts, Louis XVI voudrait que chaque sujet paie ses impôts. En 1787, devant l'échec de la convocation de la réunion des notables, eh bien, Louis XVI a encore une carte. Et il joue une carte politique qui est assez fine, au fond. Il se tourne vers les forces vives de la nation, le tiers-état, qui va lui marquer beaucoup d'affection, d'ailleurs, hein, dans ses cahiers de doléances, qui n'est pas du tout contre le roi. S'il y a trois républicains en France en 1789, c'est bien le bout du monde. Ouais. Et justement, pour mettre les élites en face de leurs responsabilités. Donc se servir du peuple, au fond, de la voix du peuple, pour que l'élite contribue, finalement. Alors, la voix du peuple, il faut s'entendre. La voix de l'élite du peuple, sûrement. C'est-à-dire la voix des marchands, des armateurs, des avocats, des négociants, de tous ceux qui constituent quand même la richesse de la France, qui est en train de construire, justement, dans sa concurrence avec l'Angleterre, un premier empire colonial. Donc je crois, on l'a entendu parler à Montréal. Ouais. Donc il y a là en fait un vrai pari politique de la part du roi qui est moderne et qui est tout à fait remarquable à noter. Et donc il y aura des consultations sur à peu près 2 mois partout en France en fait. Le tiers-état, le clergé, la noblesse, tout ce beau monde. C'est des assemblées, en fait, qui sont tenues un peu partout. Mais moins de 2 mois, figurez-vous, Jacques Beauchamp, dans un pays qui, pardon de le rappeler, ne connaît pas Internet ou le téléphone. Ouais. La lettre du roi, lue par Necker, est connue à la fin du mois de janvier. Et rendez-vous compte que dans ce pays de 26 millions d'habitants, qui est un monstre démographique pour l'Europe de l'époque, hein, entre le premier dimanche du mois de mars et le troisième dimanche du mois de mars, à la fin de la messe du dimanche, dans la fabrique, c'est-à-dire la réunion des hommes qui constituent la communauté paroissiale, on va se réunir dans tous les villages de France, donc dans les paroisses à peu près une trentaine de milliers de paroisses, à l'instar du plan des communes aujourd'hui, et l'on va rédiger dans des cahiers donc toutes ces doléances, qui vont ensuite remonter dans les sous-bailliages, 1400 sous-bailliages, pour remonter dans les bailliages, les grands bailliages, les 400 bailliages, avec à chaque fois, bien sûr, un niveau de filtre, où ils sont réécrits et resynthétisés. Dans les 400 bailliages, on va avoir une élection des représentants pour chaque ordre, puisqu'on a obtenu le doublement du tiers-état, 600 députés du tiers-état, 300 de la noblesse et 300 du clergé, mais on n'a pas encore obtenu le vote par tête, et chaque député porte à Versailles ces cahiers qui vont être eux aussi resynthétisés, 12 pour chaque ordre, 36 cahiers qui seront déposés au pied du roi le 4 mai. Pour un pays de 26 millions, la prouesse technique est absolument remarquable et donne une photographie unique de ce qu'est un pays de 26 millions d'habitants au mois de mars 1789. Et on y plonge dans cette photographie avant de parler plus longuement avec vous de ce que contiennent ces cahiers de doléances pour nous en donner un avant-goût. Un extrait d'un des cahiers de doléances, celui des paysans de Culmont près de Langres, le comédien Emmanuel Noblet qui lit un extrait de ce cahier de doléances à l'émission « Ouvrez le 1 » diffusée à France Info en 2019. Nous sommes accablés d'impôts de toutes sortes. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain. Il va bientôt nous manquer si cela continue. Si vous voyez les pauvres chaumières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touchés. Cela vous dirait mieux que nos paroles que nous n'en pouvons plus et qu'il faut nous diminuer. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de biens paient le moins. Nous payons les tailles et tout plein d'ustensiles. Et les ecclésiastiques et les nobles qui ont les plus beaux biens ne paient rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sont les riches qui paient le moins et les pauvres qui paient le plus? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son pouvoir? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi, parce que cela est juste. Donc la réforme de l'impôt, on y revient, elle sera au cœur des cahiers de doléances. Il y a ça, il y a bien d'autres choses, Pierre Cerna, pour reprendre le titre de votre livre, « Que demande donc le peuple dans ses cahiers de doléances en 1789 ?» On peut le synthétiser de façon rapide, car sinon cela prendrait trop de temps. Mais quelques thèmes émergent de façon importante. Ce n'est pas tant l'impôt que la justice de l'impôt qui est pensée. Et ça, c'est vraiment très important. Dans une autre phrase d'une petite communauté rémoise, j'ai lu cette sentence que l'on pourrait entendre dans des manifestations aujourd'hui. On a tout fait pour les riches, on n'a rien fait pour les pauvres. Ouais. Donc, il y a premièrement cette prise de conscience. Mais il y a une deuxième prise de conscience qui est la justice. C'est-à-dire qu'on voudrait sortir de l'arbitraire et que les gens soient traités de la même manière par la loi. Un des mots les plus forts de cette année 1789, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est pas du tout le désordre, c'est pas du tout l'anarchie, c'est pas du tout chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut comprendre la règle qui le gouverne. Donc, ils demandent tous la loi. Et pour cela, en fait, ils demandent autre chose qui est important et qui est, en fait, en filigrane dans tous les cahiers, c'est la liberté. Alors, bien sûr, on peut se poser la question de savoir, mais quelle liberté ? Mais la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre, la liberté pour 85% des Français qui sont des ruraux, c'est la chasse. Oui. Pardon de revenir à cette chose aussi triviale, mais la chasse est une conquête démocratique très très importante à cette époque-là. Et puis, il y a également donc cette volonté de pouvoir s'exprimer. Et puis la volonté également de respecter les religions. Il y a le gros problème du protestantisme en France. Il y a des débats sur la petite, mais révélatrice, communauté juive, également en France. Et puis, il y a cette demande extraordinaire. De plus de 40 cahiers, et encore, la liste n'est pas exhaustive, je suis en train de la constituer, d'abolition de l'esclavage, qui est quelque chose de tout à fait remarquable pour cette époque-là, puisque c'est là qu'on voit la construction d'un raisonnement politique. En réfléchissant sur leur propre servitude, ils en ont assez de la corvée, ils en ont assez de travailler pour les seigneurs. Ils se disent, ah mais ailleurs dans la France, dans l'Empire français, donc, il y a des gens qui vivent dans la servitude et c'est injuste, et ils pensent aux esclaves. Donc au fond, je vous écoute et on est très très près, on est en 1789, il faut le rappeler, liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. On est très proche de cela et vous faites très bien de le dire parce que en étudiant de près en fait ces cahiers et notamment les cahiers des grandes villes, on retrouve en fait ce qui va être la première constitution de la France en 1791. Car les députés vont porter ces demandes-là et ils vont construire un nouveau code pénal en 1791. Ils vont construire une nouvelle loi pour tous. Ils vont créer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a là, en fait, une immense réforme de la France qui peut déjà se lire dans ses cahiers. Oui. Les femmes, je le signalais au tout début de l'émission, elles sont, techniquement, elles ne seront pas consultées. Oui. Elles ne peuvent être consultées. Il y a des critères pour pouvoir être inscrits. Oui. On les écoutera quand même. Quelle place elles occuperont dans ces consultations qui mèneront au cahier de doléances? Ah, vous savez, c'est pas parce qu'on dit aux dames de se taire qu'elles se taisent. Et justement, ce sont des actrices de l'histoire qui sont intéressantes justement par rapport aux nouvelles sources dont nous pouvons disposer. D'abord, les sœurs religieuses peuvent écrire des cahiers. Mais ils sont traduits par des abbés. Ouais. Dans certaines régions, les femmes nobles veuves peuvent aussi se faire représenter par des avocats. Et l'on a des procès-verbaux d'assemblées de paroisses où l'on sait que des femmes ont participé. Mais n'oubliez pas, Jacques Beauchamp, et c'est cela qui est intéressant, que les cahiers de doléances ne sont qu'une partie de l'expression des Français. Plus de 2000 pamphlets ont été rédigés et publiés entre 1788 et 1789. Si l'on ne donne pas la parole officiellement aux femmes, eh bien, elles vont aller chez l'imprimeur et payer sur leur denier leur cahier. Et c'est ainsi que l'on a des cahiers de femmes qui ont été publié. Et nous avons retrouvé, grâce à un archiviste des Archives nationales, un cahier des femmes de Besançon, que j'invite tout le monde à lire, parce qu'il est remarquable. Ces femmes disent « L'égalité commence dans la petite patrie, dans la petite entité politique qu'est la famille. Ouais. » Et c'est l'égalité dans la gestion du budget familial qui va nous rendre notre dignité. Une fois de plus, on est sur une maturité politique étonnante pour ces femmes de Besançon qui comprennent que partager l'argent, le gérer ensemble, c'est déjà un premier pas vers l'égalité. On comprend votre enthousiasme. Ces cahiers-là, c'est vraiment des documents extraordinaires. Et ça reste aujourd'hui encore une fois, sur cette société de l'époque, des documents fabuleux. Il y aura un tel exercice, vous l'avez dit dans le processus, un tel exercice de synthèse qu'on peut se demander... qu'est-ce qui reste de ces consultations quand tout ça est remis au roi Louis XVI le 5 mai 1789? Vraiment, ça a été synthétisé, resynthétisé. Qu'est-ce qui reste des demandes des Français dans ce qui est transmis au roi? L'énergie. Il reste l'énergie. Vous savez, dans un petit cahier non loin de Châteauroux, une communauté demande en fait que son curé se marie. Pourquoi ? Pour que cessent les scandales. En 1789, déjà, une petite communauté le demande. Ça veut dire que la France est parcourue par un sentiment qui est celui de la régénération. Ouais. Le monde est vieux, le monde de la monarchie est vieux. Mirabeau va inventer cette expression géniale, l'ancien régime. Il va rester l'énergie. L'énergie de réinventer de nouvelles mœurs, une nouvelle nation, un nouveau modèle de femme, un nouveau modèle d'homme. Et donc, il restera cette volonté de changer le monde. Ouais. On boucle la boucle, on parlait de l'actualité plus proche de nous, ce mouvement des Gilets jaunes qui s'est beaucoup réclamé de l'esprit de 1789. Il y a eu... une forme de remise au goût du jour des cahiers de doléances, des lettres ont été transmises au président. Les gens ont écrit, les Français, les Gilets jaunes ont écrit au président. Quel rapprochement on peut faire ou ne pas faire avec ce mouvement-là par rapport à ce qui s'est vécu en 1789? Eh bien, déjà, on peut faire un rapprochement qui n'est pas à l'honneur de notre présent. Parce que dans un pays de 25 millions d'habitants, on a rédigé 60 000 cahiers. Aujourd'hui, la France a 66 millions d'habitants. On a rédigé 16 000 cahiers. J'ai posé la question de savoir où étaient passés ces 16 000 cahiers. Ouais. Car si vous allez sur le site officiel du gouvernement français, le gouvernement s'engage à les publier. Ils ne sont pas publiés. Ils ont été redispatchés dans les 103 dépôts départementaux des archives, de telle sorte qu'on est impossible de faire ce qui a été possible de faire en 1789, c'est-à-dire l'analyse. Maintenant, pour ce qui est des comparaisons, je constate qu'il y a une longue histoire de la difficulté du rapport en France entre le légal et le légitime. Et que la France a toujours été fascinée par le pouvoir exécutif. Ce sont les députés de 1790 qui portaient les cahiers de doléances, qui ont inventé les archives nationales pour lutter contre le pouvoir exécutif de Louis XVI. Ouais. Et ce clivage, en fait, c'est ça qui reste probablement de tout temps entre cette élite... Oui, une France d'en haut et une France d'en bas, qui a toujours été quelque chose de très clivant dans la vie politique française. Pierre Cernat, spécialiste de la Révolution française, professeur d'histoire à la Sorbonne, auteur, entre autres, du livre « Que demande le peuple? Les cahiers de doléances des Français en 1789 ». Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.